علم أخير. إذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنة رسول الله ورجعنا إلى أقوال العلماء دائما اطلب العلم أخير فهذا شيء مطلوب إن شاء الله. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرم فخور. Mes compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور اطلب العلم أخي فهو Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wa salam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue avec la deuxième intervention concernant ce séminaire, cette daura sur Al-Minhaj Al-Sahih wa billahi tawfiq. Et on rentre maintenant dans le charh de Al-Ibana ala usul Al-Sunnah wa Al-Diyana. Et l'imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala wa hadha al-kitab mashhur bismi Al-Ibana Al-Sughra l'Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Et il y a Al-Ibana Al-Kubra, yani Bil-Asanid, lakin ici, c'est un résumé de l'Ibana Al-Kubra, sans l'Asanid, et il est plus petit, et il est moins long, donc Al-Ibana Al-Kubra. Donc ce livre-là, il est connu par Al-Ibana Al-Sughra, l'Ibn Batta, rahimahullahu rahmatan wasi'a. C'est un livre qui traite de l'Aqida, de ici, At-Tawhid, du Minhaj, comme on est en train de le voir et comme on va le voir encore inshallah ta'ala kitab fil aqida wa tawhid ibn battah rahimahullah ta'ala. Donc ici c'est un éclaircissement sur al aqida, sur les fondements de la sunna al ibana ala usul al sunna, les fondements de l'aqida, donc de la sunna et de la religion. Donc ici c'est un éclaircissement que fait le Cheikh Ibn Battah rahimahullah ta'ala en citant, comme je vous ai dit, des centaines de textes. Des centaines de textes. Donc il y a, vous allez voir, beaucoup de paroles de salaf, et il y a beaucoup de hadith, et il y a moins, mais il y a pas mal de versets coraniques. Mais surtout des hadith et des paroles de salaf, des paroles de compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et donc ils sont cités l'un après l'autre. Et donc c'est pour ça que ce livre-là nécessite un charh, une explication, et il y a un tahqiq, et il y a plusieurs tahqiq concernant ce livre-là. Ce livre, il est muhaqqaq, il a été vérifié par plusieurs savants, et moi je vais me baser particulièrement sur le tahqiq qui a été pris de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire ils ont fait une recherche pour voir les ahadiths, qu'est-ce qu'a dit Cheikh Al-Albani sur ces ahadiths et sur ces athars. Et bi'idhnillah azza wa jalla, à chaque fois je citerai l'avis de Cheikh Al-Albani. Est-ce que le hadith il est da'if, il est mursal, il est sahih, il est hassan, il est akhiré. Bi'idhnillah azza wa jalla, billahi tawfiq. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de textes qui sont quand même jugés. Enfin, il y a beaucoup de textes parce que, en général, si on réunit tous les textes, il y a des centaines, donc on peut se permettre de dire beaucoup, hein. Mais par rapport à la quantité de textes, ce n'est pas beaucoup qui sont cités. Donc ici, on dit qu'il y a quand même pas mal de textes qui sont jugés faibles. Et à chaque fois, je vous dirai, le hadith il est faible, le athar il est faible, il est bon, etc. Inch'Allah ta'ala. Donc Ibn Battah, c'est un savant, un imam, qui est né en l'an 304 de l'Hégire. Et donc au début du 4e siècle de l'Hégire, il est mort en 386, certains disent en 387 de l'Hégire. Donc on voit que ici, il était présent alors que les paroles des salafs, les traces des salafs, donc on dit les traces des salafs des plus prédécesseurs, ceux qui ont été et qui ont vécu dans les trois génération. Donc dans la troisième génération, elle était encore présente, c'était encore frais. Et ce livre-là de Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, il comporte quatre grandes parties si on veut. Donc il y a une première partie du livre, et nous on va s'arrêter avec cette première partie. Il cite beaucoup de hadiths et beaucoup de athar sur l'obligation de s'accrocher à la aqida saine, à la sunna authentique, et l'avertissement de s'y opposer, et l'avertissement et la mise en garde contre le fait, mise en garde oui, mais là c'est pas contre le fait de s'unir, mais contre le fait de se diviser, comme on va le voir inshallah ta'ala. Et le deuxième point, et le deuxième chapitre qu'on n'aura pas le temps de traiter lors de cette dawra, mais bi'idhnillah azza wa jalla, on verra par la suite inshallah ta'ala, si Allah nous le permet, ça porte sur al-aqidah al-tawhid, la croyance, les piliers de l'iman, la croyance en Allah, au livre, au jour dernier. Ici ça parle de la balance, de sirat, de la vision d'Allah jalla wa ala, ila akhiri. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, il est plus court. Et le quatrième point, il est plus court aussi. C'est-à-dire les deux derniers chapitres, ils sont courts. Le troisième chapitre, il porte surtout sur les actes d'adoration. D'accord? Et il parle sur certaines descriptions actes, qui font partie de la prière. Ici, il parle de certaines ibadat. Il parle sur al-mas' ala al-khufayn. Il parle aussi sur les serments. Donc les serments, le jugement du serment, il a akhiré. Sur les bienséances, quand, dans la nourriture, etc. Donc là, il parle d'un autre point. Dans le quatrième chapitre, qui est court aussi, par rapport aux deux autres chapitres, le plus long, c'est le premier chapitre. Le quatrième chapitre, il cite les innovations. D'accord? Telles que celles pratiquées, quand par exemple il y a un mort, les innovations dans la prière, les innovations dans al-adhan, al-ilhan, c'est-à-dire les fautes grammaticales, qui font partie des innovations quand on fait l'adhan, etc. Et ici, il y a des sujets qui concernent Isbel al-Izar, le fait de laisser tomber son pantalon ou son vêtement plutôt en dessous de l'Kaaba, il a akhir. Il parle et il cite des innovations. Clair? Ce chapitre-là aussi, comme vous le pensez bien, donc on n'aura pas le temps de le traiter car c'est le dernier chapitre. Clair? Et, inshallah ta'ala, on va traiter ce qu'on peut traiter, bi'idhnillah, lors de cette dawra qui a pour titre ici, al-minhaj al-sahih. Dans la page numéro 1, ici, il y a, je passe la tarjama, c'est-à-dire la biographie du shir. D'accord? Donc ici, il y a les paroles des savants qui ont été dites sur le shir, etc. Il suffit de citer que le shir, il est reconnu pour être un grand savant de la sunna, comme l'a dit l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, an hadha al-imam, qal, imamun fi sunna, ici, fi sunna, wa imamun fi al-fiqh. Wa imamun fi al-aqida, et ils ont dit aussi c'est un muhaddith, et ils ont dit c'est un ici muhaddith, c'est un faqih, il a eu l'éloge de plus grands de grands savants, et de grands savants ont repris ses paroles comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, ila akhiri. Donc il a reçu l'éloge de beaucoup de savants, ce grand imam rahimahullah rahmatan wasi'a. Et bien sûr, on va pas parler que de lui, on va parler de savants contemporains. Et on va parler de savants plus anciens, comme ici Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, et je vais vous parler, et on va essayer de voyager dans quelques passages d'un livre que je vous ai cité tout à l'heure d'Ibn Rajab, insha'Allah ta'ala. Dans la première partie, il dit, bismillahirrahmanirrahim, qala shaykhul imam Abu Abdillah. Et Abu Abdillah, c'est sa kunya. Abu Abdillah, c'est sa kunya. Ubaydullah. Et Ubaydullah, c'est son nom. Ici Ibn Muhammad Ibn Hamdan Ibn Batta Al-Ukbari rahimahullah rahmatan wasi'a. Et ici Ibn Batta, c'est l'aqabu, c'est son surnom. Et Al-Ukbari, c'est par rapport à l'endroit où il a été, où il a vécu. Alhamdulillah alladhi asbagha alayna ni'ama wa zahara ladayna minana وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياء ملة الصدق. Et ici le cheikh, dans toute cette première partie, et je vais la résumer inshallah ta'ala, et ceux qui veulent revenir sur cette partie en arabe dans les détails, ils reviennent bi'idhnillah azza wa jal. Donc ici dans la première page, le cheikh ici, il fait l'éloge envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah, il loue Allah jalla wa ala pour tous les bienfaits, et surtout le plus grand des bienfaits, qui est le bienfait de l'islam. Et il dit, falahu alhamd, nahmaduhu wa nusni alayh, بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة. Et ici, ce qui nous importe, c'est ce terme beaucoup de, qui concerne le tawfiq. ووفقنا للسنة. كما قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا كبيرا وصلى الله على محمد نبيه المرتضى المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته ودعا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والحمد لله على شرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة وسلم تسليما. Et il répète, ونستوفق الله للصواب القول وصالح العمل ونسأل أن يجعلنا عرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. Et ici, il implore Allah subhanahu wa ta'ala et il rappelle l'importance de tawfiq. Et ici, tawfiq, c'est ce qui est indispensable parce que c'est la réussite et c'est le succès. Et il nous apprend à demander toujours at-tawfiq auprès de qui? At-tawfiq auprès d'Allah Jalla wa Ala. Car la réussite et le succès, ils viennent de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de guidance, al-hidayah, comme vous le savez, il y a deux types de guidance. Il y a hidayatu at-tawfiq et il y a hidayatu ad-dilala. Il y a la guidance, d'accord, concernant le succès, la réussite at-tawfiq. وهذا ça c'est particulier à Allah Jalla wa Ala. Et il y a al-hidaya qui est due à des causes, à des preuves. Et cette guidance là, c'est le fait non de guider, walakin de montrer la voie de la guider. Hidayatu at-tawfiq, la première guidance, c'est-à-dire la guidance qui vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala seulement l'unique. Ici, cette guidance, elle ne peut être donnée que par Allah Jalla wa Ala. Ni par un ange, ni par un prophète, ni par un messager, ni par un pieux, ni par un savant, ni par un prédicateur. Allah Jalla wa Ala a dit dans le Coran al-Karim, innaka la, là, il montre la négation, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Mais Allah, il guide qui il veut. Allah, il parle à qui? À la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc si cette guidance, elle appartenait à quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, certes elle aurait appartenu à qui? À Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais Allah lui dit, tu ne guides pas ce que tu aimes, qui tu aimes, et Allah il guide qui il veut. Et on voit que le prophète était impuissant concernant cette guidance vis-à-vis de qui? Son oncle. Son oncle qui l'a protégé, son oncle qui l'a soutenu, son oncle qui l'a aidé. Et le prophète, il a eu mal. Ici, c'est pas parce qu'il l'aimait en Allah ou il le détestait pas en Allah, non, mais parce que c'était un amour naturel, c'était quelqu'un de sa famille, c'était son oncle, c'était quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a protégé, parce que il n'attestait pas avec sa langue de façon claire qu'il n'y avait de divinité qu'un Dieu unique et que Mohammed est son envoyé. Et donc son oncle, au prophète alayhi salatu wassalam, ici, n'a pas embrassé l'islam, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui disait, قول, la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Et que je suis son messager. Et il est mort sur Tawhid ou pas? Il n'est pas mort sur Tawhid. Le prophète A.S. a invoqué Allah Azza wa Jal et Allah a accepté son invocation, c'est-à-dire qu'il aura le plus petit châtiment en enfer, et c'est quoi? Dans une version des braises, sous les plantes de ses pieds tellement chaudes que son cerveau va bouillir. Éternellement. Donc la religion, ce n'est pas un jeu. Oui, mais je ressens ce sentiment mesquin. Tes sentiments, tu les mets de côté. Nous, on n'a pas dit qu'on doit pas être clément envers les gens, qu'on... ça fait partie de l'islam. Mais quand ça touche à din, la religion, ça, on doit se soumettre à Allah et son message. C'est-à-dire à la parole d'Allah et du prophète, dans le sens que le prophète ne parle pas poussé par sa passion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Donc les sentiments qui ne sont pas compatibles avec la législation, tu les mets de côté. À ma sentiment naturel, etc. Il a akhiré, ça c'est demandé. On n'a pas dit, si tu vois un non-musulman se faire agresser, tu dis, ah là, c'est pas un musulman, je le laisse, hein, et je n'ai pas de pitié envers lui. A'udhu billah. Validé, ya Abdallah. Ça c'est demandé, c'est l'islam. Claire? Donc on remet chaque chose à sa place. Prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a eu la capacité de al-hidayah tout tawfiq envers son oncle? Est-ce qu'il a dit, khalas, moi je veux que tu sois guidé? Et il a été guidé, non? Donc ça, c'est ce qui dépend d'Allah Jalla wa'ala, l'unique seul. Mais amma hidayatul dilala, c'est-à-dire le fait de montrer des preuves et de convaincre, et tu indiques la voie de la guider, ça, tu peux l'avoir, ça, tu peux utiliser cette voie-là, comme le prophète l'a utilisé, comme les prédicateurs l'utilisent, comme. Et Allah Jalla wa'ala l'a montré dans le Coran al-Karim, il n'y a pas ici de contradiction entre les versets coraniques. D'accord? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Quand-il, بارك الله فيك, quand-il à ne pas méditer le Coran al-Karim, s'il venait d'autres que de la part d'Allah Azza wa Jal, ils auraient certes trouvé maintes contradictions dans le Coran. Il n'y a pas de contradiction. Donc ça, c'est le verset coranique où Allah Azza wa Jal, il dit, tu peux pas guider qui tu aimes. Tu n'as pas cette hidayah entre tes mains. Mais il y a une deuxième guidée, c'est hidayah tout dilala. Et cette hidayah, Allah Jalla wa'ala l'a montré au prophète alayhi sallam quand il a dit innaka, c'est pas la négation, la tahdi, innaka la tahdi, tu guides certes. Allah, il parle au prophète alayhi sallam, il dit innaka la tahdi ila siratin mustaqim, tu guides certes, c'est-à-dire Muhammad alayhi sallatu wassalam, avec une traduction dans le sens, ici vers un droit chemin. Donc le prophète, il guide. Est-ce qu'il y a une contradiction, il guide pas? Non, ça c'est le fait que le prophète, il montre la voie de la guider avec des preuves claires et pas des preuves ambiguës, des preuves claires, et il est la cause qu'Allah Jalla wa Ala a guidé les gens. Il est la cause, il indique la voie de la guidée, walakin ce n'est pas lui qui détient hidayah tout tawfiq. Clair? Innaka la tahdi ay tadul, tu indiques. Wadih? Et ensuite il rappelle le cheikh ici l'importance de quoi? Al-ikhlas, la sincérité et la véracité. Donc il loue Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui nous est demandé quand on commence ici un travail, par exemple de da'wah, de prédication, un prêche, un sermon. On loue Allah azza wa jalla, alhamdulillahi rabbil alamin wa nuthni alayhi wa ila akhir, c'est-à-dire tu loues Allah azza wa jalla, tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et ici il rappelle, et là on voit la modestie, le fait de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cesse de répéter et de mentionner at-tawfiq. Et celui qui a bien compris cette religion, et un da'i qui a bien compris cette religion, il répétera souvent wa billahi at-tawfiq. Et il demandera toujours at-tawfiq min Allah jalla wa ala. Comme le fait le cheikh ici, vous allez voir plusieurs fois il le répète. Parce que ici toute la réussite et tout le succès dépendent d'Allah. Et quand tu répètes souvent ici et tu invoques souvent Allah de t'accorder at-tawfiq, ça te pousse à rester modeste, à te rabaisser devant Allah et ne pas être trop fier de toi en disant tout ce que je peux dire de bien ne peut venir que d'Allah Jalla wa Ala. Et tout ce que je peux dire de mal ne peut venir que de qui? Minni wa minash shaytan. Ne peut venir que de moi et de qui? Et de shaytan. Amma le bien, est-ce qu'il vient de toi? Même vient que d'Allah Azza wa Jalla wahda. Le mal, dit, il vient de moi, le mal. Mais le bien, c'est Allah qui m'a permis, qui m'a wuffaq, qui m'a permis d'atteindre cette réussite, ce succès. Donc répète toujours ici la demande et l'invocation. Invoque toujours Allah pour qu'il te donne at-tawfiq. Tout le temps, dans toutes tes activités, particulièrement quand tu veux expliquer quelque chose, quand tu expliques quelque chose, quand tu as fini d'expliquer quelque chose, implore toujours Allah Jalla wa Ala de te donner at-tawfiq. Et ensuite, ici, il dit amma ba'd. Et ici, là, remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits. Et Allah il dit wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Si vous essayez de compter tous les bienfaits qu'Allah azza wa jalla vous a donné, est-ce que vous allez réussir à les dénombrer, à savoir combien de bienfaits? Tu ne pourras jamais. Allah l'a dit dans le Coran. Donc ici, ce qui t'est demandé, de multiplier les louanges, parce que tu ne peux pas ici louer Allah pour chaque bienfait qu'il t'a donné, parce qu'il y en a tellement. Et c'est pour ça je dis souvent, si on remercie Allah et si on louait Allah pour tous les bienfaits, ou ne serait-ce pour la plupart, ou ne serait-ce que pour que quelques bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, on trouverait plus le temps de se plaindre. ne prendrait plus le temps de se plaindre. Combien de bienfaits Allah Azza wa Jalla nous a donné? Allez, vas-y, on les compte. Tu peux pas. Allah, il a dit, wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Tu ne pourrais pas. Il y a tellement de bienfaits. Et il y a des bienfaits. Même si on prend juste un bienfait, juste en méditant sur ce bienfait, ça ne peut te pousser que à louer Allah pendant des heures. Et ça ne suffira pas. Pour remercier Allah et être reconnaissant envers Allah comme il se doit. Juste la vue. Imagine-toi, on t'enlève la vue. Ça y est, tu es aveugle. Et on te dit, soit tu donnes tous tes biens et tu reprends la vue et tu retrouves la vue, ou soit tu gardes tous tes biens et on t'en rajoute, mais par contre, tu n'as pas la vue. Que vaut tous ces délices? Que vaut tout cet argent si tu ne peux pas voir avec tes yeux, avec ton regard, ici tous ces délices et tout cet argent? Et tout ce que va découler de cet argent, ça ne sert à rien. Juste la vue à Abdallah vaut mieux que toute cette vie d'ici-bas. Et après, nous, on ne cesse de se plaindre et de ne pas être reconnaissant et ne pas faire assez d'efforts pour Allah. Et on se croit ici comme étant où on prétend être des gens qui sont au top de l'adoration. Promis au paradis quelquefois, illa man rahim Allah. On est trop sûr de soi. Quoi ça, ces rappels, j'en ai pas besoin. Ces actes d'adoration, j'en ai pas besoin. Comme si tu étais trop sûr de toi. On est très loin. On est très loin, ahibbati fillah. Ensuite, il dit, amma ba'd, fa inni as'alullah an yuhdirana wa iyaka tawfiqan. Amma ba'd, c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam disait souvent lors de ses sermons. Amma, de fait de dire wa ba'd, فهذا جائز ولكن الاولى والافضل ان تقول اما بعد. Le mieux c'est de dire quoi? Amma ba'd. Parce que le prophète il disait quoi? Amma ba'd. Dans le sens ceci dit ou bien ceci étant dit. Amma ba'd. Donc pour passer à la suite. Le prophète alayhi salam répétait souvent amma ba'd. Et amma ba'd ici c'est pour aussi passer à autre chose. D'accord? Et ça nous montre aussi que le prophète alayhi salatu wa salam était organisé dans ses paroles. C'était propre. Ce n'est pas n'importe comment. Même toi, dans tes cours, dans ta da'wa, dans ta, il faut que tu structures bien ta da'wa. Et tu dois être structuré, organisé dans ta vie. Et, etc. Donc il fait la part des choses. Première partie, on loue Allah, on remercie Allah, on prie sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, l'akhiré. Amma ba'd. Ceci étant dit, on passe à autre chose. Donc on voit que la da'wa du prophète était structurée. Et al-ulama, ils utilisent ces termes-là, amma ba'd aussi. D'accord? Et c'est mieux que, wa ba'd, comme a dit Cheikh al-Rajhi, حفظه الله تعالى في شرحه dans son explication de ce livre aussi. Et je n'ai pas pris l'explication que de Cheikh al-Rajhi simplement, j'ai pris plusieurs explications de Ahlul Ilm. Et ici donc c'est mieux de dire amma ba'd. Et c'est bien de le dire quand on fait un sermon, quand on fait une exhortation, quand tu as loué, tu dis amma ba'd. هذا يعني من السنة خصوصا في يعني عند الخطاب, surtout sur lors des sermons. Ensuite il dit quoi? فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق. Et ici, il fait une invocation. Pour qui? Il dit, رحمه الله, فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك. Donc il fait du'a pour qui d'abord? Donc il fait du'a pour lui et pour toi. Il invoque pour toi, ya Abdallah. Il fait une invocation pour toi. Et donc, ce qui relève de la bienséance, comme Allah Jalla wa Ala l'a mentionné dans le Coran al-Karim, quand il parle des gens pieux, vertueux, qui sont reconnaissants envers qui? Envers As-Sahaba, radiyallahu anhum wa ardhahum, avant tout. Il dit ce qu'ils disent, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Allah, ô notre Seigneur, pardonne-nous. C'est tout? Pardonne-nous ainsi qu'à ceux qui nous ont devancés dans la foi, al-Iman. Et il parle de qui? As-Sahaba, radiyallahu anhum wa ardhahum. Donc ici, Allah, jalla wa ala, nous montre l'importance de faire al-istighfar, comme on le verra par la suite, pour qui? Pour As-Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Mais il a commencé par quoi Allah jalla wa ala quand il a mentionné cette invocation? Rabbana ighfir lana. Donc ça fait partie des bienséances dans le du'a. C'est bien d'invoquer pour les gens. Et il faut invoquer pour les gens. Walakin, commence toujours par toi. Invoque d'abord par toi, pour tes proches, pour ta famille, invoque pour les gens. Quand tu veux dire, ya Allah, pardonne à mon frère, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère. Ya Allah, assiste mon frère, assiste-moi ainsi que mon frère. Ya Allah, assiste ou préserve ou aide mon frère, d'abord toi, après ton frère. Ya ayyuhal ladhina amanu qu'anfusakum wa ahlikum nara. Allah, il dit, oh vous qui avez cru, préservez vos personnes, ainsi que vos familles du feu. Et juste à travers ça, on voit, avant de t'occuper des gens, même pour le bien, occupe-toi de toi. Retiens bien ça. Alors comment toi, tu vas te préoccuper ici de faire du mal aux gens alors que tu oublies ton propre mal. Ça, c'est ajib, ça. On en revient toujours à la même chose. Là, tu dois te préoccuper à faire du bien à toi et invoquer pour toi avant de faire du bien, on parle du bien. Avant de faire du bien aux gens. Non, il y a des gens, c'est pas, ils devancent le fait de faire du bien aux gens sur eux-mêmes. Non. Ils font du mal aux gens et par contre avec eux, non, allez. Pour ça, as-salaf, des pieux prédécesseurs, il est connu qu'ils étaient durs. Durs. Envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes, ils étaient durs, as-salaf. Quand tu lis les paroles des plus prédécesseurs, etc., ils étaient très durs envers eux-mêmes. Sans exagération, bien sûr. Mais envers les gens, ils étaient cléments, compatissants. Et certaines fois, il y avait des paroles dures, des comportements durs. Mais ça, ce n'est pas une règle générale. Comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, c'est quoi dur? Ça ne veut pas dire dépasser les limites ou être dur comme toi tu le penses ou tu l'as compris. Là, on retombe chez Ashab al-Ara, les gens des avis, Ashab al-Ahwa. Comment ils étaient durs, on va le voir. Mais leur comportement de base, c'était quoi? C'était quoi? La douceur, la sagesse. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allah, il dit, on t'a certes envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité, c'était le comportement de base. Et Allah, il dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le message d'Allah un excellent exemple. Ça, c'était le comportement de base. Mais ça arrivait qu'ils étaient durs. Mais ça, c'était des cas, c'était des moments, c'était envers certaines personnes. Et ça, il le fallait. Mais dur, ça veut dire que ils frappaient, ils étaient injustes. C'est pas comme toi, tu le comprends. Il faut voir c'était quoi dur. Là, quel comportement de base, c'était des gens qui étaient durs envers eux-mêmes. Et doux envers les gens. Et ici, le cheikh, il dit, rahimahullah ta'ala, wa iyyaka tawfiqan yaftahu lana wa laka bihi abwab as-sidq. Pour, ici, il invoque Allah Azza wa Jal, et il rappelle que le succès, la réussite, ne peut être que d'Allah Azza wa Jal, et il implore Allah Azza wa Jal de lui ouvrir la porte de quoi? La véracité. Les véridiques, ce sont eux les heureux. As-su'ada, c'est qui les heureux? C'est qui les heureux? C'est les véridiques. Ceux qui sont véridiques, ceux qui sont sincères. Wa dalil, la preuve de cela, Allah dit dans le Coran, inna al-muslimina wal-muslimat. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الآية إلى آخره jusqu'à ce qu'Allah عز وجل dit أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah عز وجل a tout cela, quand il parle des croyants, des musulmans et musulmanes véridiques, sincères, les véridiques hommes et femmes, les patients et les patientes, إلى آخره. Ensuite à la fin il dit quoi? وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. À la fin, ce qui évoque et abondamment, c'est le seul moment où Allah Azza wa Jalla dit abondamment, c'est ceux qui font le dhikr, qui évoquent abondamment Allah Azza wa Jalla, hommes et femmes. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla leur a préparé ici, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ, un pardon et une énorme récompense. C'est quoi l'énorme récompense? C'est le paradis, Al-Jannah. C'est qui? As-su'ada. Allah, il a dit وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَات. Ah, les véridiques, ceux qui sont véridiques. Hein? C'est pas qui cherche al-batil ou qui cherche ce qui va être conforme avec leur âme instigatrice. Non, ceux qui cherchent la vérité et qui sont véridiques envers eux-mêmes et véridiques envers les gens et qui s'accrochent à cette vérité. Et la akhiri. Et le shir par la suite, et ici pour gagner du temps, mais le sens ne change aucunement, et je prends le charh directement, et ceux qui reviennent sur le livre, je leur recommande fortement de revenir bien sûr sur ce livre, en arabe dans les détails. Ici, il montre et il mentionne la raison pour laquelle il a écrit ce livre-là. D'accord ? Inni lamma ra'aytu ma qad ghamma an-nas wa adharuhu wa ghalaba alayhim فاستحسنوه من فط في من ف من فضائع الأهواء وقضائع الآراء والتحريف سنتهم إلى آخره. Il dit ici, إني لما رأيت. Ça montre al-sabab. Ici, et il cite toutes les causes. Et il dit, quand j'ai vu. Et ça, il le dit Ibn Battah à quel moment? 4e siècle. Vous imaginez, c'est quoi 4e siècle? On a quel siècle là maintenant? Comment, qui a dit quoi là? J'ai entendu quoi? Donc, quel siècle là? J'ai rien, bien sûr. 14e siècle. Donc 14e siècle, égyrien, hein, bien sûr. Ici, rajoutez 10 siècles au 4e siècle, il dit, lorsque j'ai vu, et il sait toutes les raisons et toutes les choses qu'il a vues. Ensuite, plus loin, donc je vais expliquer, résumer hein, tout ce qu'il a dit ici. Ensuite, il dit, جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين إلى آخره. Il dit à ce moment-là, جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه. Ici, il dit, voilà ce que j'ai fait, c'est-à-dire le livre. Voilà ce que j'ai réuni, c'est-à-dire tous ces textes, des imams, des musulmans dignes de confiance, et l'akhir. Donc la première des choses, le shirk, il mentionne les causes. Et il rappelle ici que les causes qui l'ont poussé à écrire ce livre, pourtant il était proche des trois siècles, d'accord, qui étaient les meilleurs des siècles, et qui ont reçu l'éloge du prophète, alayhi salatu wassalam, donc ces gens qui ont suivi la sunna et la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ici, il dit, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire tous les avis, al-ara, toutes les ambiguïtés dans lesquelles sont tombés les gens, les paroles qui ont été répandues par qui? Al-Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Asha'ira, al-Akhiri. Ici, qui sont tombés complètement dans ces tendances égarées. Donc, ceci l'a poussé à écrire ici ce livre-là, c'est-à-dire à réunir des textes, c'est-à-dire des textes du livre d'Allah et de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, et il a réuni plein de paroles de salaf, de tabi'in, et ici de atba' tabi'in, et l'akhiré, pour nous montrer l'importance de s'écarter de ahlul ahwa, ahlul ara, ahlul bid'ah, les gens de l'innovation, les gens des passions, les gens des avis, les gens des « je crois, je vends, je vois », ceux qui sont tombés dans des égarements et qui ont fondé ces sectes, comme Al-Jahmiya, comme Al-Mu'tazila, comme Ila Akhiri, et on va citer des exemples de ces gens-là. Ceux qui sont rentrés dans l'interprétation, à cause de quoi Al-Ara, ils ont fait devancer « qaddamu al-aql al-naql ». Ils ont fait devancer la raison, les avis, sur quoi? Sur les textes. À ce moment-là, ils sont tombés dans des égarements, dans des sectes. Et ils ont commencé à rentrer dans ta'wil qui est interdit. Je ne parle pas dans le ta'wil permis dans certains cas. Dans le ta'wil interdit. Concernant particulièrement, et il y a d'autres choses aussi, hein, et dans d'autres interprétations, mais particulièrement dans soit les noms, ou surtout les attributs d'Allah, Jalla wa Ala. Pourtant, la religion, elle est claire. Et comme on va le citer, comme on l'a déjà cité. Donc ici, il les réprimande. Et il rappelle l'importance du groupe, Al-Jama'a. Dans ses paroles, il nous rappelle l'importance du groupe et l'importance de mentionner, clarifier les fausses croyances et de ceux qui la répandent. Et là, il montre clairement que c'est une réfutation, un rad, une mise en garde fondée sur Ashabul Bid'ah. Mais le problème maintenant, comme je disais, c'est qu'il y a des gens qui lisent, des gens qui écoutent, mais comme ils le veulent. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a des livres, il y a des titres, « Fawarab bil Ka'ba ». Si tu n'as pas les capacités de comprendre ces livres-là à travers la parole des pieux prédécesseurs et de Aqwal al-Ulama du début jusqu'à la fin, n'ouvre pas des livres. Parce que tu vas te noyer, tu vas être perdu. Et c'est ça le problème de beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui. Ils vont prendre un livre comme celui-là et ils vont dire voilà, voilà, ashabul bid'ah, ashab, ils vont entendre bid'ah, bid'ah, ashabul bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, as-salaf, comment ils étaient, Omar, comment il était, moi je lis des textes. Mais il va lever sa tête, Allahu musta'an, il va sortir, il va vouloir faire la guerre à tout le monde. Parce que lui, miskin, il va comprendre quoi? Lui, c'est... On est toujours dans le perroquet. Ouais, un peu métaphore. Bid'a, on a dit c'est grave. Kula bid'atin dalala, kula dalalatin finar. Toute innovation mène à l'égarement, tout égarement mène au feu. Les salafs, ils étaient très durs envers Ashabul Bid'a. Trois textes qu'il a picoré à droite et à gauche. Khalas, il voit quelqu'un, il rentre dans la mosquée. Il va faire une bid'a. Il va faire une bid'a. Bid'a, mubtadi'. Et ce que j'ai entendu, Ashabul Bid'ah, faut être dur envers eux. Il va plus lui passer le salam. Il va le regarder comme un adou. Il va vouloir même lui faire la guerre. Il va appliquer al-wala ou al-bara fondé sur cette bid'ah. Et il va plus vouloir lui parler, l'approcher, mettre en garde contre lui. Pourquoi? Bid'ah, c'est, voilà, une équation simple pour lui. Et ça, c'est Ashabul Ahwa, Ashabul Ara. Et lui, il fait partie de Ashabul Bid'ah. C'est lui, c'est même pas miskin. Lui, c'est une bid'ah ambulante. Lui-même, c'est une bid'ah ambulante. C'est une innovation ambulante. Parce qu'il n'a pas compris. Déjà, il y a un farq entre al-bid'a ou al-mubtadi'a. L'innovation et l'innovateur. C'est une grande différence. Qu'est-ce que l'innovation? Et qui est l'innovateur? Donne-moi la définition de l'innovateur. Khalas, il y a une différence entre comment on condamne la bid'a, qu'est-ce que c'est que la bid'a, et on va le voir, al-bid'a al-mukaffira, al-bid'a al-mufassiqa, al-bid'a, ici, la bid'a qui reste dalala, parce que le prophète il a dit « kulla bid'atin dalala », mais qui est pardonné, qui est excusé. Ajib, une bid'a qui est excusée. On va pas parler de, je suis pas en train de vous dire ashabul ara pour dire je pense, je crois, je vois. On va apporter les paroles d'Ibn Taymiyyah et je vais vous donner les références et les pages et tous les détails. Vous allez pouvoir revenir dessus dans les détails. Pas de Ibn Taymiyyah, les pages et les chapitres et tout. Inch'Allah ta'ala, billahi tawfiq. Et ici, qu'est-ce que c'est qu'une bid'a? C'est quoi la définition de al-mubtadi'? Les différentes catégories de al-bid'a. Et, etc. ila akhiri. Donc ça, il faut déjà savoir. Et là, quand le shir, il parle particulièrement, ça c'est un rad à qui? Particulièrement à qui? Hmm? Celui-là qui a, il a dit, je sais pas moi, je sais pas, il a fait une bid'a dans le fiqh. Et il a fait une chose qui, toi tu penses que c'est une bid'a, c'est pas une bid'a. Il parle particulièrement de ceux qui, ashabul bid'a dans l'aqida, les innovateurs dans l'aqida, ceux qui tombent surtout dans al-bid'a, al-mukaffira. Là, on parle surtout de ceux-là. Il parle de quoi? De l'aqida. Il parle de ceux qui sont entrés dans... Oui, vous allez voir tout au long du livre. Il parle de ceux qui ont interprété les attributs d'Allah, Jalla wa Ala. Il parle pas du frère qui a la même aqida que toi, la aqida saine, et qui appelle à... Qala Allah wa qala rasul bifahmi salafil umma, et qui cite les paroles des savants, et qui... Non, maintenant les jeunes, ils arrivent, bid'a, mubtadi'a, bal mudil. Et ils vont il à akhiri. Et dans ces cas-là, continue comme ça. N'écoute plus Sahih al-Bukhari. Ne lis plus Sahih al-Bukhari. N'écoute plus l'imam al-Bukhari. Ibn Rajab. L'imam al-Nawawi. Ne l'écoute pas alors. Parce que lui, il est tombé, hein. Dans des bid'a. Dans des bid'a, dans l'aqida. L'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi est tombé dans une bid'a, dans des bid'a concernant l'interprétation des attributs d'Allah. Khalas. Tous les savants le disent et le reconnaissent. Ah bah, suite à logique, tu l'écoutes plus. L'imam al-Bukhari, pareil. Al-Hafidh ibn Hajar, pareil. Ibn Rajab al-Hanbali, pareil. Donc voilà, khlas, continue. Mais pourquoi les savants les écoutent? Parce que toi, tu n'as pas compris. Tu es un perroquet. D'accord? Métaphore, hein. Comme un perroquet. Clair? Et là, on va monter de niveau, petit à petit, hein. Parce que ce qui me fait rigoler, wallahi, c'est qu'il y a des gens qui partent à l'excès. Donc eux, ils ont droit de faire des choses, même s'ils les font de façon déplacée. D'accord? C'est-à-dire déplacée, non conforme au Coran et à la Sunna, bifahmi salafil umma. Ici. Et par contre, quand toi tu fais des choses, comme le prophète les faisait, ils critiquent. Je m'explique. Eux, ils se permettent de venir, de monter sur les manabir, sur le mimbar, et prendre le micro, et dans des assises, de scandaliser. Ce qui a été réfuté, ça, par les savants, et les paroles sont nombreuses, et on va le voir, incha'Allah ta'ala. Si tu veux le faire, il y a beaucoup de règles à suivre avant. Mais toi, tu vas regarder que le résultat. Parce que tu es une personne paresseuse, et tu aimes bien picorer dans la religion, et c'est ashabul ara en général. Ils prennent que les résultats. Ah bah tiens, ils ont fait. Mais pourquoi, quand, comment, de quelle manière il a akhiri? Non, ça, il prend pas. Et ils citent les noms. Mais par contre, quand toi, tu montes sur le minbar et tu fais comme le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wassalam quand il voyait un munkar? قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره اش بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Hadith sahih. Celui qui voit un munkar, un acte répréhensible, qu'il arrête avec quoi? La main, s'il peut pas avec la langue, s'il peut pas avec le cœur. Cela, c'est le degré le plus bas de la foi. Le prophète, il voyait un munkar. Est-ce qu'il le disait? Non, je ne l'arrête pas. Il l'arrêtait. Ou bien, il le reportait. Mais dire je ne l'arrête pas du tout, non. Il le reportait ou, ici, il l'arrêtait. Wadih. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il voyait un munkar, il montait sur le minbar, et voulait arrêter ce munkar parce qu'il voyait qu'il y avait un profit pour Al-umum, les gens en général. Jami an-nas, pour l'ensemble des gens, il y avait un profit, donc il faisait devant tout le monde. Est-ce qu'il citait les noms? Après, là, tu vas voir les professionnels de je cherche ce qui m'arrange. Il va chercher, il va ouvrir le kutub, il va regarder, il va prendre 1000 textes, il va aller, il va ayyam skin. Ça, c'est ashabul jidal. On va en parler d'eux, bi-idhnillah, dans les détails. Et ici, leur description, elle est ajib. Par rapport, c'est les salaf, hein. Il y a à l'époque de Ibn Rajab, 8e siècle. Ibn Battah, qui les ont décrits, mais wallahi, quand on lit leurs paroles, mais tu dis, subhanallah, on dirait, ils vivent avec nous. Wallahi, ils les décrivent dans les détails, mais quand je vous allez voir les paroles, je dirai pas, hein. Même des gens, peut-être quand je vais les lire, ils vont dire, oh, subhanallah, je me sens visé. Tu vas me dire encore, c'est moi. Je te dis, Ibn Rajab, tu te sens visé. Ah, ben, tu te sens visé, mon frère. Prends le haq. Si t'acceptes pas le haq, et akhi, salam alaikum. Wa idha khatabahumul jahiluna, qalu salam. Quand ils rencontrent un ignorant, ils disent salam. Ces gens-là, quand tu fais comme le prophète, ils montaient sur le minbar, ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'il disait le prophète quand il montait sur le minbar et voyait Munkar? Hein? Que pensez-vous des gens qui font ceci, kada wa kada? Ils citaient pas les noms. Il y a des cas où tu cites les noms, mais ça c'est des cas. N'en fais pas une généralité, Abdallah. Sois équitable. Et quand tu le fais, et quand tu vas dire en général les maladies, il y a des gens qui vont se sentir visés. Mais par contre, il va se sentir visé. T'as pas cité son nom. Il va pas apprécier. Oh, je me suis senti visé, comme si tu parlais de moi, ceci, cela. Bah, si tu t'es senti visé. Est-ce que j'ai dit, je pense, je vois, je crois? Non. J'ai dit, qu'Allah wa qu'Allah Rasoul, oui. Donc c'est que t'es malade, guéris-toi, et hamd arbi, fais ce jeu de choukr. Fais ce jeu de choukr. Dis, ah, rab, hamdoulilah, quelqu'un m'a montré mes maladies, je me suis senti visé. Y a que la vérité qui? Qui blesse? Ajib. Mais par contre, quand il va voir une personne qui monte et qui scandalise tout le monde en citant les noms, ah, c'est ça le haq, mon frère, hein. Ah, c'est le minhaj, salaf, hein, mon frère, c'était dur. Ah, pour toi, on te fdah pas, mais tu te sens visé. Et c'est le haq, ça te fait mal. Mais quand tu vois des gens qui scandalisent les gens et qui citent les noms, et qui rentrent dans le riba ou le namima, ils ont pas utilisé ad-dawab et tash-shar'iyya avant de le faire. Ah non, ça c'est le haq, mon frère. Wallah, l'égarement, il est clair. Wallah, il est azim. Pour celui à qui Allah, azza wa jal, a permis de récolter ce succès, cette réussite, tu verras que l'égarement chez ces gens-là, il est clair. Jusqu'à ce qu'un jour une personne, et moi j'ai eu des centaines de cas comme ça, je pèse mes mots, hein. La oubaille fi kalami. Wallahi, combien de gens ils sont venus me voir tout au long de mes années de prédication. Wala nuzaki ala Allahi ahada. Ya akhi, je me suis senti visé. Wallahi al-adim. Jusqu'à un jour, ajib. Ici, jazawallahu khairan, un frère que j'apprécie énormément, ala kulli hal. J'avais fait un cours sur, et ça n'a pas de mal de le dire, c'est pas son nom et autre, hein. Mouhim. J'avais fait un sermon ou un cours, une exhortation sur la musique. Sur la musique. Adi. Qala Allah wa qala Rasul. Il y a un frère qui vient même pas à la mosquée. Très rarement. Il vient même pas au khotab. Il vient même pas au cours. Et bonne entente. Je l'ai croisé une fois. Il a dit, ah mon frère, barakallah, fait que le sermon que t'as fait, ah, ce qu'il a écouté en audio. Ah, je sais que tu parlais de moi, hein. Je me suis senti visé. Je sais que t'as fait ça pour moi. Wallahi al-azim. J'ai dit, Ajib, yahi, avant de penser à toi, je pense aux couches de mes enfants, je pense à mes courses, je pense à mes factures, je pense à mon nefs, je pense à moi, je pense à ce que je vais manger ce soir, je pense à ma da'wa, je pense à... Il y a des centaines de kilomètres avant que je pense à toi, yahi, c'est pas que je manque de respect envers toi ou j'ai... Mais j'ai mille choses, et je pense à toi, je te vois jamais, je fais une route pas sur la musique, je sais que t'as fait ça pour moi, mon frère, wallah. J'ai dit, barakallahu fik, je dis, wallahi, j'ai pas du tout fait ça en te visant, mais si tu t'es senti, mais alhamdoulilah, il m'a dit, barakallahu fik, je l'ai pris, je dis, bon, en tout cas, alhamdoulilah. Wallahi, ajib. Et combien de cas on a eu comme ça? Je me sens visé. Et wallahi, les gens en général, qui se sentent visés et qui se réforment pas, eh ben, c'est des gens qui explosent. Ils peuvent pas tenir dans les cours comme ça. C'est comme quand je donne des exemples à des frères, ça c'est des gens là, comme vous savez, on était souvent hein, dans des pays, après il y a des gens qui demandent des fatawas par rapport à ce que c'est autorisé ou pas. Sur le Uthaymin l'a autorisé, à la koulihan, ça on part un peu dans le fer. Vous savez les trucs qu'ils mettent là, électriques là, pour les mouches. Quand ils viennent les mouches, tac, hop, ils viennent dessus, ça les attire, après ils crament. Wallahi al-azim, une métaphore encore, j'aime bien les métaphores, il y a des gens c'est comme ça. Ils restent et ils acceptent pas le haq, ils restent dans les cours jusqu'à ce qu'ils grisent, ils explosent, tu les vois plus, ils reviennent plus jamais. Pourquoi? En général, c'est les gens fawarab bil ka'ba qui n'acceptent pas le haq. Si c'était le batin, je parle pas que de mes cours particulièrement, je dis en général, hein, dans des cours un peu partout, je dis pas comment je vis ça. Mais si les gens acceptaient, est-ce qu'ils ils imploseraient comme ça, ou ils exploseraient jusqu'à ce que partir? Soit ils viendraient te voir en disant, ya akhi qad akhtat bi kulli ihtiram wa adab. Tu t'es trompé avec tout le respect que je te dois. Tu as dit ceci, tu as dit cela, et le... Ça, quand il est sûr et certain que c'est une erreur claire d'un texte ou autre. Il me le dit, et voilà, et ben c'est ça, et c'est ça. Ou bien, il aurait dit, quand il n'est pas sûr, Allahu a'lam ya akhi, viens te voir, ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Mais quel conseil, comment conseiller, ça, c'est autre chose. Et il vient te voir, il dit, moi, j'ai peut-être, t'affirme pas, j'ai peut-être mal compris, moi j'avais compris ça comme ça, est-ce que tu t'es pas trompé dans cette chose? S'il venait te dire ça, c'est une chose, non, il vient pas te dire. Donc c'est qu'il reconnaît que les paroles que t'as dit, c'est la vérité. Tu n'as pas cité son nom, donc tu ne le scandalises pas. Il a mal, c'est qu'ils sont visés. C'est qu'il y a un problème. Au lieu de se corriger, et la plupart, alhamdoulilah, ils se corrigent, mais quand ils ne se corrigent pas et qu'ils ne tiennent plus, c'est qu'il y a une maladie chez lui. Et cette maladie-là, vous savez c'est quoi cette maladie-là? C'est le hawa. C'est le hawa. Retenez bien ça. Et suivez bien étape par étape. C'est les passions, la maladie des passions. Et je ne parle pas de toutes les passions mauvaises. Et vous savez c'est quoi le remède des passions? Celui qui est noyé dans ses passions. Celui qui, l'exhortation ne lui fait plus rien. Vous savez c'est quoi le remède, à votre avis? Allez, c'est quoi le remède? C'est quoi le remède? Omar ibn al-Khattab. Khalas, on va citer l'Athar. Vous savez ce qu'il a fait une personne? Attention, hein. Je suis pas en train de dire ouvrir une porte. On va le voir par la suite, Inch'Allah. Il y a des gens, la ghalab. Il n'y a pas d'autre solution que quelquefois, quoi, on va le voir, Inch'Allah. Ala kulli hal, Omar, il va te donner le remède. Dans les détails. L'Athar, il est vérifié. Et quand ils l'ont interrogé, Omar, pourquoi? Vous allez voir qu'est-ce qu'il va répondre. À cause de quoi, Omar? C'est le hawa. Mais pourquoi tu dis il arrive à ce degré? Parce que ceci et cela. Description, c'est pas de moi, c'est de Omar. Pourquoi vous dites, on pense, je vois, je crois, et la akhiri. On va le voir, bi'idhnillah, azza wa jal. Ala kulli hal, nous disons que la nasiha doit se faire. Et montrer le haq, ça doit se faire. Mais scandaliser et vouloir faire du mal aux gens et comprendre comme tu veux c'est quoi al-bid'a al-mubtadi' et réagir comme tu veux avec al-mubtadi' ila akhiri, ça c'est interdit à Abdallah. Ça c'est interdit, c'est un manque d'équité de crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, il faut prendre les choses à leur base. C'est quoi al-bid'a? On va le voir. C'est qui al-mubtadi'? On va le voir. Comment tu dois réagir envers al-mubtadi'? On va le voir. Qui tu dois aimer et détester en Allah, on va le voir. Qui tu dois prendre comme ami et ne pas prendre comme ami, on va le voir. Tout ça, c'est détaillé de façon claire. Amma ashabul ara, ils vont toujours chercher les trucs ambigus. Et c'est pour ça que le shir, il insiste sur le fait de s'éloigner de ces gens-là. Les innovateurs, on parle particulièrement de qui? Les innovateurs dans l'aqid, hein? Particulièrement, on est d'accord. Particulièrement, je dis pas que eux, mais particulièrement eux. Ceux qui touchent aux innovations dans l'aqid, hein? Dans Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, c'est pas toute personne qui va faire une bid'a. Dans ces cas-là, il y a Abdallah, dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est des mubtadi'in. Parce qu'ils ont fait des bid'a. Ils ont fait des bid'a ou pas? Cheikh Al-Uthaymin, il a fait une bid'a ou pas? Si on prend l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sur le fait de se relever de ruku' dire sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Cheikh Al-Albani dit tu remets le qab, tes mains comme ça ou tu les relâches? Et tu relâches. Et il dit celui qui les remet, il dit il a fait une bid'a. Cheikh Al-Uthaymin il dit non, tu dois les remettre. Et ils utilisent certaines qawa'id fiqhiyah, je ne viens pas dans ça et on le verra dans les cours de fiqh inshallah. Donc on va dire que Cheikh Al-Uthaymin il a fait une bid'a. Pour Cheikh Al-Albani bid'a. Donc bid'a mubtadi' dal mudil. Ah continue ta logique Abdallah. Et pourquoi pas eux? Ah, parce que c'est des savants. Ah, t'as compris que ici, un savant qui fait une bid'a, c'est pas comme n'importe qui faisait une bid'a. Pourquoi? Parce que le savant, il a tellement de bien que ça noie le mal qu'il a. Ah, là, tu commences à être équitable. D'accord? Et on va le voir étape par étape, inshallah ta'ala. Donc, toute personne qui fait une bid'a, est-ce que c'est automatiquement un mubtadi'? C'est pas automatiquement un mubtadi'. Wadih? Donc, bi'idhnillahi azza wa jalla, ça, on va le voir au fur et à mesure. قال الشيخ plus loin ثم على اثر ذلك شرح السنه من اجماع الائمه. Donc le cheikh ici il explique que ce qui lui a poussé à faire ça, ce livre là, donc c'est ce livre là qui décrit, c'est l'explication شرح السنه. Et la sunna ici اي شرح العقيده. قلنا السنه عند المتقدمين c'était quoi? العقيده. Et c'est pour ça que vous retrouvez par exemple, des livres comme le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui est Kitab al-Sunna, qui est très connu, d'accord? Ici, qui veut dire Kitab al-Aqida, d'accord? On parle de des fondements, c'est un livre qui porte sur al-Aqida. Pourtant, il a intitulé al-Sunna. Wadih? Donc, ça l'a poussé à écrire ce livre sur al-Aqida. Pour vous montrer les gens, peut-être Obama, quelqu'un va dire, oh, truc, oh, c'est un livre... Al-Sharh al-Sunna, ah c'est la Sunna. Moi je veux un livre sur l'Aqida. Tu vas dire, ah, on fait le Sharh de Kitab, un livre sur la Sunna. Non, il faut faire sur l'Aqida Tawhid, ya akhi. Robama, il y a des gens comme ça, Msakin. Parce qu'il faut que tu mettes un titre qui le plaît. Non, qu'il a compris quand il a réagi comme un perroquet. D'accord? Et le mal ne vient pas de ceux qui ont transmis les paroles à la base. Le mal vient de lui. D'accord? Le mal vient de lui qui a mal compris les choses. Wal iyadu billah. Clair? Et donc ici, il rappelle le shir, rahimahullah ta'ala l'imam. Il rappelle ici que la cause aussi, c'est que les gens ont commencé, plus loin il explique, à rabaisser les gens de la sunna, de la aqida sahiha. À son époque, les gens commençaient à les rabaisser al-ulama, al-mutahakikina bil-ilmi shar'i, qui étaient sur une aqida saine. Ils ont commencé alors à les rabaisser, à les critiquer, à leur donner une mauvaise image, à faire des réfutations sur eux. Les gens de la sunna, de al-sunnati wal-jama'a. Et ici, quand il a vu ça, c'est une des choses qui l'a poussé aussi hein, à écrire ici ce livre-là. Et il disait qu'il suivait trop aussi l'apparent des textes. Et il suivait al-aql. Donc, il comprenait mal les textes qui prêtaient, d'accord, à confusion, c'est-à-dire qui pouvaient faire croire ou laisser paraître à la personne qui a mal compris qu'il y a une contradiction entre les versets dans le Coran al-Karim. D'accord? Il y a des versets coraniques qui, de façon apparente, quand tu vas les lire, tu vas dire, ah, il y a une contradiction. Comme on a vu tout à l'heure. Innaka la tahdi man ahbab. Tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah guide qui veut. Et ensuite, dans l'autre verset coranique, innaka la tahdi. Tu guides. Ila sirati mustaqim. Tu guides vers un, donc, tu pourrais croire qu'il y a une contradiction. Eux, ils allaient voir que ces versets coraniques. D'accord? Et ils délaissaient les versets clairs. Al-muhkam, ils délaissaient. Alors que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, al-Ulama de la Sunna, qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient al-Mutashabih à quoi? À al-Muhkam, tout simplement. Et ils s'accrochent à ce qui est clair et apparent et qui est bien, qui a qu'un sens. Et ici, quand ils voient qu'il y a al-Mutashabih, ce qui pourrait prêter à plusieurs interprétations un sens, et qui pourrait faire croire qu'il y a une contradiction, bien qu'il n'y a pas de contradiction, mais c'est toi qui as mal compris, ils le renvoient tout de suite à quoi? À ce qui est clair. Et voilà comment doit réagir la personne, le savant, le musulman qui a bien compris cette religion concernant Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Même la Sunnah, il y a des hadiths qui prêtent à confusion quelquefois, qui n'ont pas qu'un sens, qui peuvent amener à croire qu'il y a une contradiction. Parce qu'il y a un hadith qui va dire une chose, il est sahih. Un autre hadith, il est sahih. Et les deux peuvent être rapportés par des gens thiqat, de confiance, par exemple Bukhari ou Muslim, ils se contredisent, on va dire non, les savants, ils disent, il n'y a pas de contradiction. La tanaqud fi kitabillah wa la fi sunnati rasulillah alayhi salatu wa salam. C'est dû à notre mauvaise compréhension, ils allient entre les ahadith, et ils trouvent des solutions, et ils les renvoient à ce qui est clair. Wadih? Et amma ahlul aql, d'accord? Alladhina taqaddamu al-aql ala naql, ceux qui ont fait devancer la raison sur al-naql, non, ils aimaient ces choses-là. Et ouvrir des portes où il ne leur a jamais été demandé d'ouvrir des portes. Et ils commençaient, oui, mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. À partir du moment où Allah et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne t'ont pas dit, ça veut dire ça parce que, ou ça veut dire cela parce que, tais-toi, n'ouvre pas cette porte. Et voilà, comment étaient salaf les pieux prédécesseurs avec ceux qui faisaient cela? Et vous allez voir les textes. Comment ils réagissaient dès qu'ils entendaient quelqu'un qui disent, oui, tu as dit ça, mais moi, je dis qu'il y a plusieurs conditions. Et ça n'a pas été détaillé, ils étaient durs envers eux. Cela, oui. D'accord? Et on va voir avec qui ils étaient durs. Et comment ils réagissaient. Et comment ils se désavouaient et ils faisaient al-hijra, c'est-à-dire l'exil. Ils mettaient de côté certaines personnes. Et qui étaient ces personnes-là? Et ça, on va voir Al-Hujran et on va en parler Inch'Allah Ta'ala. Wadih. Wa ulama as-sunna kama qulna yuqaddimuna an-naql 'ala al-'aql wa ahli al-bid'ah al-'aql 'ala an-naql. Omar radiyallahu anhu warda, il disait, et il parle de cela. Ceux qui font devancer toujours la vie ou la raison sur les textes. Et le hadith est rapporté par, ou le athar par Ibn Abi Shayba radiyallahu anhu, il disait, prenez garde aux personnes qui utilisent la raison. Ihdharu min haoula. Prenez garde de cela. Ceux qui utilisent quoi? Al-aql. La raison. Omar, il disait ça. Écoutez bien. Ils sont les ennemis de la tradition. Ils sont les ennemis de la tradition, de la voie droite, de la bonne aqida, de la sunna. Ils sont les ennemis. Et ensuite, il les décrit. Et il dit pourquoi ils sont tombés dans cela. comme il leur est trop pénible de revenir ici au hadith, c'est trop dur pour eux de s'asseoir, d'apprendre le hadith par cœur, de le comprendre, d'étudier. C'est trop dur pour eux. Ils ont recours à l'aql. C'est facile. Ça se rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a des gens, c'est comme ça. Et les plus égarés, c'est ceux qui quoi? Ils veulent prendre tout ce qui est le plus facile pour eux. Mais étudier, prendre les choses à la base, comprendre les choses, être lucide, clairvoyant par la permission d'Allah, non, ça c'est trop dur. Donc ici, Omar radiallahu anhu arda, il dit pourquoi ce sont les ennemis de la tradition? C'est quoi leur égarement? C'est quoi leur caractéristique? Et il dit comme il leur est trop pénible de revenir au hadith, ils ont recours à la raison. Ils se sont égarés et ils ont égaré autrui. Voilà. Pourquoi? Ils se sont égarés, ils ont égaré autrui. Trop dur de s'asseoir et d'apprendre le hadith. Donc ils ont dit, bon, khlas, on n'a pas besoin de hadith, on va faire travailler la raison. Ça, c'est plus simple. Tu t'allonges, tu remplis ton ventre, tu t'allonges sur un divan. Ouais, c'est comme ça. Hada dal, mubtadi', mudil. Pourquoi je vous dis ces paroles-là? C'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a 14 siècles, il les a décrits. Ajib, ajib, na'am. Il a décrit Ashabul Ahwa comme ça, en disant des gens accoudés, allongés sur leur divan, en train de remplir leur ventre et parler sur Al-Qur'an et en jugeant avec ses avis. Le prophète l'a dit dans les détails comme ça. Et on va le voir par la suite, Inch'Allah. Claire? On va pas parler avec, je pense, je vois, je crois. Claire? Et donc ici, ça c'est des gens qui ont fait devancer trop leur avis par fainéantise et par paresse. Et ils aiment la facilité. Et ensuite, il prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et il dit, sallallahu ala nabiyihi wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin. وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وعلى التابعين بإحسان والتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين وبالله نستعين. Regardez la prière du prophète عليه الصلاة والسلام, comment il l'a fait. Regardez l'éloquence, regardez la bonne compréhension, regardez la sagesse. Juste quand il fait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Qui il mentionne? Le prophète alayhi salatu wassalam. Et le fait de demander à Allah azza wa jalla, Allahumma salli ala Muhammad, c'est quoi? Tu implores Allah azza wa jalla, tu invoques Allah azza wa jalla pour qu'Allah jalla wa ala fasse, c'est quoi? Fasse l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Auprès de qui? Al-Malaika. D'accord? Donc ici tu invoques Allah Azza wa Jal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse l'éloge de qui? Muhammad alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et il dit wa ala alihi tahirin at-tayyibin. Il rappelle c'est qui as-sahaba et c'est qui la famille du prophète alayhi salatu wa salam, les proches. Wa ala ashabihi al-muntakhabin wa azwajihi ummahat al-mu'minin. Réponse à qui? À ses dénégateurs et aux shi'ayot, à ses épouses, les mères des croyants. Et parmi elles, Aisha radiyallahu anha wa ardaha, celle qui a été accusée par Ashabul Bida', Ashabul Ahwa, A'da As-Sunna. Eux, c'est eux, d'accord. Là, on est d'accord. Là, tu peux envoyer. Pas de problème. Envoyez, akhi. Ash-Shi'a, qui ont dit que Aisha radiyallahu anha warda, faminhum man qal. Certains d'entre eux ont dit, wa rubbama nastati'a naqul al-jumhur. La majorité. Chez eux, ils l'ont dit. Comme quoi, c'était une femme qui était tombée dans zina, fornicatrice, sortie de l'islam, il a akhiré. Et celui qui ne reconnaît pas ici le fait qu'Allah innocente Aisha radiyallahu anha wa ardaha faqad kafar. Il est mécréant. Kharaja min al-milla wal iyad billah. Et celui qui insulte les compagnons, on va voir le hukm. Celui qui déteste les compagnons, on va voir le hukm. C'est autre chose. Mais celui qui ne reconnaît pas l'innocence de Aisha radiyallahu anha wa ardaha, il est kafir. Pourquoi? Parce qu'il renie kalamullah azza wa jal. Parce que Allah dans le Coran al-Karim, il a innocenté. Au-dessus des sept cieux, Allah Jalla wa Ala, il a innocenté qui? Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Il l'a innocenté. Donc quelqu'un va dire non. Hiya zaniya wal iyadu billah. Kama qalu ash-shi'a. Ici, on dit qu'ils ont rejeté la parole d'Allah Jalla wa Ala. Et donc celui qui ne croit pas en la parole d'Allah Jalla wa Ala, il est sorti de l'islam. Wadih. Donc il rappelle que ses femmes, ses épouses, sont les mères des croyants, wa ala tabi'in bi ihsan. C'est pas n'importe qui, ceux qui les ont suivis, bi ihsan, comme il se doit, dans le bien, en faisant le bien, bi ihsan. Ici, wa tabi'i tabi'in min al-awwalin wal akhirin ila yawm ad-din wa billahi nasta'in. Il revient et il rappelle, il parle de qui? De ceux qui les ont suivis, parmi les tabi'in ila akhirih ila yawm ad-din. Tous les gens qui ont fait le bien, ils n'oublient personne. Et ça nous rappelle que toutes les personnes qui suivent dans le bien as-sahaba, le prophète alayhi salatu wa salam, jusqu'à la fin des temps, il restera sur un bien bi'idhnillah fi dunya wa fil akhirah, fa huwa ala khair. Il est sur un bien, il est sur la vérité. Et ici il dit wa billahi nasta'in. Il rappelle encore, regardez, il rappelle encore ici le fait qu'il cherche assistance, secours auprès de qui? Allah jalla wa ala. Regardez, il ne cesse de répéter at-tawfiq, al-isti'ana. Et ça c'est la bonne compréhension et la preuve de la modestie, de l'humilité de ce savant et des gens de science qui ne cessent de répéter que le bien vient d'Allah, le succès ne peut venir que d'Allah jalla wa ala, et qu'on doit chercher aide et assistance auprès d'Allah. Et ça prouve la bonne aqidah. Parce que les gens qui n'ont pas une bonne aqidah, ils vont citer que peu ça. Ils vont dire oui, ça on sait. Ça tu dois le répéter et tu dois vivre avec. Parce que c'est ça la bonne aqidah. Ici on retrouve cela dans quoi? Dans la parole d'Allah jalla wa ala, surat al-fatiha, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah il montre l'importance de l'isti'ana. Et on sait que l'isti'ana, ça fait partie de quoi? Iyaka na'bud. Bien sûr, ça fait partie de l'ibada. Le fait de chercher secours auprès d'Allah, est-ce que ça fait partie de l'adoration? Le fait de dire, on adore simplement Allah, jalla wa'ala, iyaka na'bud. On adore Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, que Allah. Wa iyaka nasta'in. Tu rappelles qu'on cherche secours qu'auprès d'Allah, jalla wa'ala. L'isti'ana fait partie de l'ibada. Mais les ulama, ils ont dit, Allah, il a détaché l'isti'ana de l'ibada ici, pour montrer l'importance de l'isti'ana. Parce que s'il aurait dit iyyaka na'bud, on sait que l'isti'ana ça fait partie de al-ibada. Al-ibada kama qala Ibn Taymiyyah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina. C'est ça l'ibada. C'est un terme général qui désigne tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte apparent et caché. Ça fait partie de l'ibada, l'isti'ana. Mais Allah, il tire pour montrer l'importance de l'isti'ana. At-tawhid al-aqidatu sahiha. Cherche secours pas auprès des morts, des saints, des gens, il a akhiri, mais auprès d'Allah. Amma, là on parle de l'isti'ana, chercher secours auprès d'Allah concernant les choses que seul Allah, jalla wa'ala, peut apporter. Amma, si tu es en panne, et tu veux dire, ah bah je vais chercher secours auprès des gens pour qu'ils m'aident à pousser la voiture. Ah non, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On doit chercher secours que près d'Allah. Non, je vais pousser tout seul la voiture. Hada jahil. Parce que quand on dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est on cherche assistance auprès d'Allah que dans les choses que seul Allah Azza wa Jal peut nous aider. Par exemple, tu es dans un bateau, tout seul, au milieu de la mer, tu sais très bien que personne ne va t'entendre. Qui peut t'entendre? Allah. Qui peut t'aider? Allah. Il n'y a personne, tu es tout seul, c'est la nuit, un naufrage, t'es au milieu de l'eau. Si la personne, il va dire, Foulan, Ibn Foulan, qui est mort? Aide-moi. Est-ce que Foulan, il peut l'aider? Il fait appel à quelqu'un dont, concernant une chose que seul Allah peut lui apporter, le secours. La personne peut t'apporter secours. Parce que tu es clair, il n'y a personne, c'est impossible, quelqu'un t'entend, te voit, etc. Tu lèves tes mains. Tu dois implorer qu'Allah, jalla wa'ala, sinon tu es tombé dans le shirk. Shirk où? Shirk ou du'a, fi du'a. Si dans l'invocation, tu es tombé dans l'association, voilà, iyadu billah. Wadih. Et il montre l'importance, et il fait l'éloge de qui? Des salaf, radiyallahu anhum, wa ardahum. Et ensuite, le shir, plus loin, il continue, et il dit, فَأَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِهِ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ لُزُومِ الْجَمَاعَ وَالنَّهْيِ عَنِ الْفُرْقَ فَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et il rappelle à Cheikh Ibn Battah rahimahullah ta'ala fi kitabih l'importance de la jama'a. D'accord? Donc il a commencé par quoi? La division, l'union. L'union. Mais après, petit à petit, il nous rappelle, c'est l'union ala al-haq. L'union sur la vérité. Donc il dit l'importance de l'union, du groupe qui est regroupé sur le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Manhum ahlu sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna, alladhina yatamassakuna bi sunnati al-mustafa alayhi salatu wa salam, wa hum mujtami'una alayha. Et ils se rassemblent autour de cette sunna. Allah il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et il rappelle le verset coranique où Allah il dit et rassemblez-vous, accrochez-vous tous ensemble, wa'tasimu bihablillah, au câble d'Allah, al-Qur'an wa sunna bifahmi salaf al-umma. Al-Qur'an wa sunna bihablillah jami'an, tous ensemble, wa la tafarraqu, et ne vous divisez pas. Regardez le shir, Regardez ici, la clairvoyance du shir et la méthodologie. Il commence par l'importance du groupe, de la jama'a, et de pas se diviser. Ça, c'est une réponse à ceux qui veulent diviser le groupe uni على الحق, sur la vérité. على كتاب الله وسنة رسول الله. C'est un rad pour les innovateurs, ceux qui sont tombés dans l'innovation, particulièrement concernant quoi? Al-aqida, on en parle encore dans l'aqida. Clair? Et il montre et il regarde et il montre et il appuie sur l'importance de ici al-jama'a. واضح? بحول الله عز وجل. On va arriver à la fin des premières paroles du shir pour entrer dans l'explication du premier texte بإذن الله عز وجل. Mais avant de terminer les paroles du shir en citant encore 2-3 versets coraniques avant de commencer la première explication du premier texte, inshallah ta'ala, on va parler de hujran ahlul bid'ah. Donc le fait de se détourner, de se désavouer, de ne plus côtoyer les gens de l'innovation. Et là, on va rentrer dans qui est l'innovateur, qu'est-ce que l'innovation, comment se comporter la akhirée. Avant de faire cela, inshallah ta'ala, on va s'arrêter car c'est salat al-asr bi'idhnillahi jalla wa ala. Il est 6h20, al-asr 6h30. Donc il y a le liqa, la rencontre inshallah ta'ala min khilal al-hatif ma'a al-sheikh al-allama Abdullah al-mutlaq hafidhahullah ta'ala. Ici à 20h, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc ce qu'on va faire, incha'Allah ta'ala, on va, bi'idhnillahi azza wa jal, 20h, 20h30, 21h, 21h, incha'Allah ta'ala, on va arrêter, clair. Khalas. Ce qu'on va faire, bi'hawlillahi azza wa jal, on va s'arrêter là, on va faire une pause après l'asr, bi'idhnillahi azza wa jal, d'une demi-heure, clair. Donc ceux qui veulent, oui mais ça va être trop tard. Vous avez faim? Vous avez faim, vous voulez prendre une pause 4 heures? Khalas. Parce que le problème c'est qu'on va faire une pause là, mais après, il y a une pause, après il y aura l'intervention du shir, après il faudra la traduction. Donc aujourd'hui, pour moi, ça va être terminé. Donc ça veut dire que si on fait la pause, inshallah khair, ala kulli hal, on continuera, bihawlillah, sauf peut-être que je changerai d'avis, on essaiera de trouver un instant. Mais je veux pas que ça soit trop lourd pour vous, pour cette première dawra ilmiya sur al-aqida wa al-tawhid, et bi'idhnillah azza wa jal pour vous alléger, inshallah ta'ala. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause après l'asr. Vous faites la pause, le temps qu'on prépare nous ici les choses inshallah. Ensuite, on va s'asseoir un peu, peut-être qu'on continuera, je vous préviendrai, un peu, un quart d'heure, 20 minutes avant l'intervention du shir. Donc à 20h, pile ou 20h15, le shir, et il va appeler, et ici, inshallah ta'ala, il va faire l'intervention, qui sera en arabe, une demi-heure, 40 minutes. Je vais lui poser quelques questions. Et ensuite, bihawlillah azza wa jal, on va faire une petite pause, et entre le maghrib et l'isha, sûrement, je vais faire la traduction de l'intervention du shir, ou peut-être tout de suite après l'intervention du shir, on verra, inshallah ta'ala. Et on continuera soit tout à l'heure, donc pour moi, pour ma part, ou soit demain, bi'idhnillah azza wa jal. Wa barakallahu fina wa fikum, walhamdulillahi rabbil alameen. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته